chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Wahlberg Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Tiens, ça bouge pas mal à Saint-Félicien. En fin de semaine, il y avait les régates de Saint-Félicien qui ont attiré quand même beaucoup de monde, 25 000 personnes selon au dire de Régent Côté. Et là, il y a une autre compétition d'envergure en fin de semaine. Je pense que c'est la deuxième édition, quoi qu'il en soit. On va parler avec un des membres du bureau de direction, c'est Alexandre Paradis. Bon après-midi, Alexandre. Alexandre, d'abord, on appelle ça Auberge des Berges en action. Explique-moi c'est quoi ça. Oui, exactement. Exactement, Auberge des Berges en action. L'Auberge des Berges est notre principal commanditaire. Ça découle de Saint-Félicien en action qui avait été présenté à la municipalité lors de l'événement de 150e. Puis là, c'est notre deuxième année, fait que cette année, on y va avec Auberge des Berges en action. C'est un peu le même principe. On a le tournoi de volleyball qui est principal, qui est jumelé dans une fin de semaine sportive, d'événements sportifs qui se complètent. Cette année, on a le tournoi de tech. On a encore le flyboard qui va être présent pour ceux qui veulent essayer cette nouvelle sensation-là. On a la gang de Québec Craft qui est là pour des locations d'embarcations, que ce soit du kayak, simple, double, paddleboard, tout comme ça. Puis il y a même la possibilité pour les gens qui le désirent, là, il y a le rafting familial qui est là. Eux sont là toute l'année, tout l'été, 7 jours sur 7. Mais pendant cette fin de semaine-là, ben, c'est ceux qui vont être plus présents un peu, qui vont pouvoir... se présenter un peu là, à une clientèle additionnelle. Puis une clientèle aussi qui sont peut-être moins familiers au site. En fait, on fait connaître aussi le nouveau site. Il y a eu des gros investissements qui étaient faits. Le site a beaucoup changé, fait qu'on ça permet aussi de le faire connaître. OK. Parle-moi, comment tu appelles ça du fireball? C'est quoi fireball, ça, du fireball? Excuse-moi, mon ignorant, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Il n'y a pas de problème. La flyboard, c'est dans le fond, c'est des boys qui viennent du tube, qui ont sorti ça, c'est le tube nautique Lac-Saint-Jean. Ils sont situés à Chambord. Eux, dans le fond, sont centrés là. Puis ils vont faire sur des sites aussi. Fait que dans le fond, c'est un sidou avec un tuyau, puis une planche qui est en arrière, qui peut lever, je te dirais, là, un 15-20 pieds de haut quand même, qui est conduit via le conducteur sur la motomarine. C'est une nouvelle sensation. Ça fait plusieurs années que ça existe dans le sud. Au Québec, plus ça va, plus il y en a un peu. Puis dans la région, si je me trompe pas, je pense que c'est les seuls, là, sous toute réserve, là. Mais non, l'année passée, il était présent aussi. Beaucoup de personnes l'ont essayé. Okay. C'est souvent qu'il faut y aller par 15 minutes, une demi-heure ou une heure. Mais ça a été très apprécié. Eux ont bien aimé leurs expériences à Saint-Félicien. Fait qu'ils reviennent avec... OK. Si on parlait maintenant du but de ça, ça découle de quoi, ça? Ben, comme j'ai dit un peu, nous, on avait présenté ça. Nous, dans le fond, l'organisation qu'on est, c'est vraiment l'organisation du volleyball. Nous, on organise la Ligue intérieure, la Ligue de Beach l'été, ainsi que le tournoi Kiyoki qui a lieu intérieur, un tournoi de volleyball intérieur qui a lieu toujours la première fin de semaine de février, qui va faire le 24e édition en 2007. Fait que nous, on s'est dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait l'été? On se starte un beau petit tournoi de volleyball. On a des beaux terrains, on a un beau site. On est capable de faire de quoi de beau. Fait qu'on le fait en début de saison. C'est le premier tournoi de beach en région. Également aussi, parce qu'on a, comme tu sais, tu dois savoir, on a un gros tournoi aussi dans le coin qui ben est oui. Mandin. Écoute, c'est tous nos amis. On veut pas les compétitionner. Au contraire, on peut se compléter les deux ensemble. C'est super. Fait que dans le fond, nous, on le fait vraiment en début de saison. Eux sont milieu à août. Fait que un fait pas mal à l'autre. Puis vice-versa, nous, on va jouer là-bas. Eux viennent ici. Fait qu'on a quand même une très bonne... entendre. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que nous autres, on a présenté un beau projet comme ça l'an passé pour le 150e, la ville de Saint-Félicien. C'était bien sûr dans l'objectif de le perpétuer dans les années futures. Fait que là, on est dans notre deuxième année. L'an dernier, il y avait le CrossFit qui s'était joint à nous comme activité complémentaire. Cette année, il n'y a pas de CrossFit. Ils ont décidé de retourner de leur côté. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'investissements. C'est les mêmes propriétaires du gym à Saint-Félicien. Fait qu'ils ont décidé de rester dans le cours en eux, ce qui est très bien comprenable. Fait qu'on a trouvé une autre activité qui va être un tournoi de deck hockey. Il y a une des bandes qui a été montée, tout est prêt. Il y a 8 équipes qui vont être présentes, des équipes locales, des équipes régionales. Je pense même un petit peu à l'extérieur aussi, des joueurs de l'extérieur qui viennent se greffer. Mmh. Puis le deck hockey, ben, ça se joue 3 contre 3. C'est des équipes de 7 à incluant le joueur. Puis c'est vraiment un affaire. Ah oui. Il y a une ligue. Au Québec, ça joue beaucoup. C'est qu'à Trois-Rivières, il y a une grosse ligue aussi. Il y a des gros tournois qui se font. Fait que ça va vous permettre aussi en même temps de regarder un petit peu le coup, de voir si vraiment, là, parce qu'on a peut-être l'intention du côté de la municipalité de laisser la surface là un petit bout. S'il y a une demande, s'il y a quelque chose qui peut être viable à la long terme, peut-être qu'un investissement pourrait être fait d'une vraie surface, mais on est encore très préliminaire là-dedans. C'est de regarder les besoins. Fait que l'activité en fin de semaine va permettre de jeter un œil aussi là-dessus. Puis après ça, ben dans le futur, si on la laisse un petit peu les semaines à venir, si on voit qu'il y a un engouement puis il y a un besoin, on analysera après ça. Là. OK. C'est très, très bien. Comment qu'il va y avoir de monde à Saint-Félicien pour tout ça, là? Tout ce beau monde-là, tu m'as dit, c'est local puis régional et même un petit peu national. Quand on parle de volleyball, quand on parle du sport que tu m'as parlé que je connaissais pas du tout, du deck hockey, ça va générer combien de monde à Saint-Félicien? Puis beaucoup d'activités, là? Ben, nous, de notre côté... Du côté volleyball, présentement, on a 36 équipes d'industrie. On en avait 20. Qui viennent de où, hein? Qui viennent de, c'est-tu toute la même gang qui viennent, qui sont à Normandin? C'est-tu toute la même gang qui sont à Normandin, ou c'est... Ben, c'est sûr qu'il y en a, mettons, qui se rassemblent, là, mais il y a des nouveaux. Il y a peut-être des nouveaux visages que tu vois arriver. Mais nous, c'est ça. On a 36 équipes, puis c'est vraiment varié. On a des catégories mixtes, on a des catégories hommes, A. Puis on va de niveau A, B, C. Fait que l'expert va tirer son compte autant que monsieur, madame, tout le monde qui joue un petit peu ici et là puis qui va venir faire une petite compétition. Tout le monde va tirer son compte là-dedans. 36 équipes, nous, ça nous donne 115 joueurs. Du côté des du hockey, avec incluant le deck, là, on devrait friser à peu près là, le 200 joueurs. Là, uniquement pour les participants. Okay. Plus le monde qui vont les accompagnateurs ainsi que les spectateurs. Ça, c'est bon. Je veux dire, c'est bon pour le secteur dans le coin pareil. Là. Je veux pas, là. Vous venez juste d'avoir les régates, les 25 000. On peut pas comparer les deux, mais quand même, c'est quand même très, très bon, là. Non, je peux pas me... Je pense pas que... Non, on peut pas comparer. Comparer aux régates, ça fait des années qu'ils sont là. Puis, écoute, nous, on vit bien avec notre événement qui est sûrement moins beaucoup d'emploi, mais qui va chercher une autre clientèle, un autre besoin, puis qui répond aussi... au site qui offre ce que le site offre présentement avec les trois terrains qui ont été faits il y a 3 ans. Écoute, on a un très très beau site là, un des plus beaux de la région pour le volleyball le long de la rivière. Écoute, on a des couchers de soleil qui sont excellents. Fait que, écoute, on espère une belle température, mais si on n'a pas pu voir, fait qu'on va vivre avec. Nous, beau temps, mauvais temps, ça joue. OK. Vous, parce que moi, je vois beaucoup de potentiel dans votre fête de Auberge des Belges en action, parce que quelque part, là, le sport est en pleine montée, la participation de faire du sport. Volleyball de plage, toujours bon. Deck hockey, comme tu m'as dit, c'est en pleine expansion. Est-ce que vous avez des projets d'expansion? C'est sûr, vous êtes seulement à votre deuxième édition, mais est-ce que vous allez rester à ce niveau-là ou vous avez plein d'idées pour monter ça éventuellement? Des idées, on en a en masse. On a beaucoup d'options dans notre valise pour... Oups, si, mettons, l'année prochaine, le deck dise que finalement, on revient on a une valise là, avec des idées. On a déjà approché du monde. Il y a du monde qui nous a approché. Finalement, on ne le fait pas cette année, mais on garde ça en tête. L'an passé, il y avait du monde qui nous a approché pour faire un triathlon, traverser de la rivière, vélo ou course. Finalement, ils ont vu que c'était peut-être bien plus gros qu'ils pensaient. Ça prend énormément de bénévolat parce que ça s'est déjà fait à Saint-Félicien de jouer un triathlon. La possibilité de le ramener est dans la valise aussi du dé. Également, il y avait juste la traversée de la rivière à Chapmouchouane, que ce soit individuel, en équipe, l'aller ou l'aller-retour. Ça a été regardé cette année aussi. Cependant, il y avait une compétition de natation la même week-end. Mais c'est quelque chose qui aurait pu être apprécié. Il y a d'autres petites affaires aussi qu'on regarde. Mais tu sais, on n'a pas de limite présentement. C'est de trouver des promoteurs qui veulent l'embarquer aussi. Parce que nous, les organisateurs du volleyball, on s'organise principalement du volleyball puis toutes les petits à côté. comme présentement le promoteur pour le tournoi de deck hockey. UH Clothing, qui est UH Clothing en passant, qui est le collaborateur de la Ligue de hockey junior du Québec, André Ouellette, qui s'implique pas mal, puis qui passe l'été à Saint-Félicien en passant. Exactement. Puis lui, il a l'intention de revenir à toutes les étés. Ouais. Fait que c'est pour ça que, oups, c'est beau, c'est intéressant. Puis là, c'est une première année. C'est un petit préambule un peu. C'est le monde fondalisé aussi. L'année prochaine, on vise plus gros aussi, autant du côté là, du tournoi de deck hockey que tout ce qui peut là, être entouré. Puis l'avantage de ça, c'est que quelqu'un qui veut organiser une petite activité, des fois, ça fait lourd un peu de dire, bon, OK, toute la logistique globale de l'événement, c'est quand même gros. Tandis que nous, on s'occupe de toute la logistique qui en fait les bars, les besoins de chacun, les besoins via la municipalité. Quel service que tu as besoin, quelle infrastructure que tu as besoin. Nous, on s'en occupe. Concentre-toi sur ton événement. Fait que ça allège un petit peu aussi du côté des promoteurs des autres bars. Effectivement, effectivement. Donc, on rappelle, est-ce qu'il y a un prix d'entrée pour... C'est totalement gratuit. On a un accès gratuit. Toute la fin de semaine, les compétitions débutent vendredi soir à 7h jusqu'à 9h30. Samedi, ça décolle à 7h15, puis ça finit vers 9h30. S'il n'y a pas de retard, peut-être un petit peu plus tard. Puis nous, ben pour tous les participants, on s'est entendu avec l'Hôtel du Jardin, on fait ouvrir le simple soir pour avoir un petit happening. Tout le monde se rejoint là. Tout est sportif, mais le bar est ouvert à toute la population. Fait que ceux qui désirent venir nous trouver, venir prendre une bière avec nous, que ce soit dans la journée ou dans la soirée, mais c'est sûr que c'est une activité totalement gratuite, une activité familiale. On a les structures de jeux qui sont là. Nous, on a rajouté des jeux gonflables. Je pense qu'on a une belle activité gratuite, comme tu l'as dit, et accessible à la population. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Et puisque je t'ai, Alexandre, tu vas me parler de votre ligue là, d'été de volleyball de plage. Est-ce que ça va bien? Ça va bien. On joue sur deux soirs semaine. On a une ligue de 4-4. Qui est le jeudi soir. On a une ligue de 2 contre 2, hommes et femmes, qui se déroule le mercredi soir. On a des lumières maintenant, on est capable de jouer plus tard. Les premières années, on n'avait pas de lumière, il fallait se décoller un petit peu plus de bonheur. On a plus de latitude un peu. On a, comme je vous l'ai dit, on a un excellent site, c'est vraiment plaisant. Fait que, non, la ligue va très bien, autant la ligue intérieure que la ligue extérieure qu'on s'occupe. Le volleyball est quand même en bonne santé, surtout du côté féminin. Mais du côté masculin aussi, présentement, on n'a pas encore de problème. C'est la relève peut-être là, plus jeune un peu du côté scolaire, là, du côté masculin qui est plus difficile. Mais du côté féminin, OK. Ben Alexandre, un gros merci. On se reparle peut-être lundi pour faire un bilan de tout ça. Il n'y a aucun problème. Alexandre Paradis, qui est un des responsables de Auberge des Berges en action, qui va se dérouler en fin de semaine à Saint-Félicien.